épreuve numéro 4. Si tu me dis que tu m'aimes pas, je t'en voudrais pas. Tu parles avec lui, lui et lui te parler, moi je pourrais pas. Par contre quand ça pétait, moi je courais pas. Je suis encore là mais j'ai jamais dit que je coulerais pas. Runcha, je pousse les deux pieds, j'écarte les bras. Ici on te nique si t'es un fils de honte, laisse tranquille si t'es brave. J'ai donné mon carnia, je compte plus les crasses. Elle est fraîche, elle a fait les plaques, elle a mis du gloss. Le poteau qu'il chauffe devant elle quand il sort le cross. Moi de gauche à balle, je ralentis quand je vois les gendarmes. Discrétos, moi je vais au studio quand les gendarmes. Loin de la Dolce Vita, ici tout va si vite. J'vais passer le week-end avec Chiquita, petit verre de champagne dans la suite. Loin de la Dolce Vita, ici tout va si vite. J'vais passer le week-end avec Chiquita. Je m'en plais même pas. J'ai un truc que je compte le faire, n'en doute même pas. T'es avec moi ou avec tous les autres, je te comprends pas. J'camberge un tas, ma rue, je suis responsable, je tiens le coup. Le cœur est plein sous le gilet. Une vie de maigrier. J'suis plus dans ça, j'peux plus me permettre de vriller. Loin de la Dolce Vita, ici tout va si vite. J'vais passer le week-end avec Chiquita, petit verre de champagne dans la suite. Loin de la Dolce Vita, ici tout va si vite.